quand on connaît bien Mario, eh bien, on aime bien l'avoir pas trop proche. Mais il y en a qui connaissent, il y en a qui réagissent bien. Bon, eh bien, ce soir, il y a hélas quelques personnes, peut-être, qui sont venues pour une soirée d'information sur OFSA, et ce n'est pas ce que je vais faire comme conférence, bien que la majorité des téléphones que le centre a reçus cette semaine étaient relativement à cette soirée d'information. Les thèmes que je vais aborder cet été sont des thèmes majeurs, et ce n'est pas le titre de la conférence. OFSA, Organisation du village scientifique de l'avenir, c'est un mot qui désigne l'organisation d'une structure sociale en prévision d'un avenir. Cela veut dire que nécessairement, lorsque j'aborde le thème OFSA, c'est surtout un thème social dans le but de voir s'il y a des problèmes que nous connaissons aujourd'hui qui peuvent être réglés par l'application de l'intelligence supramentale à l'échelon planétaire ou à l'échelon minimum national. Nécessairement, l'individu peut se poser la question à quoi ça me sert de savoir de quelle façon on peut appliquer l'intelligence supramentale aux problèmes planétaires, aux problèmes des nations, ainsi qu'aux problèmes intranationaux, les problèmes sociaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que l'être humain a accès à une connaissance qui est d'envergure, à une connaissance qui est un peu plus grande que ce qu'il connaît normalement, cela oblige chez lui une prolifération de sa programmation axonique, c'est-à-dire que cela oblige son cerveau à muter. Chaque fois que l'être humain doit, cérébralement, neuroniquement, endocrinalement, ainsi que amiquement, faire affaire à quelque chose de neuf, il mute. Chaque fois que l'être humain doit envisager, englober dans ses concepts, dans ses théories, dans sa compréhension des choses d'une grande envergure, il grandit. Alors, nécessairement, il y a des sujets, ou des parties de sujets, qui, lors de mes conférences, échappent à certains individus. Juste le fait d'essayer de suivre, même si on ne comprend pas, cela nous grandit. Lorsqu'une personne apprend les mathématiques, il ne comprend pas les mathématiques dès le début, à part quelques rares exceptions. À l'exception des exceptions, la majorité des humains doivent travailler, refaire les mêmes théorèmes, les regarder, les apprendre par cœur pour finalement un jour arriver à les comprendre. Et à travers ce cheminement, qui était relativement forçant, biologiquement, neuroniquement, la personne qui apprend les mathématiques, à la longue, finit par pouvoir mathématiquement jouer avec les chiffres, et cela lui permet un jour de jouer aussi avec la vie. On en arrive même à être capable de prouver mathématiquement la position d'une planète qu'on n'a pas encore aperçue, et braquant nos télescopes sur la position mathématique, on finit par la découvrir. On arrive aussi à prouver mathématiquement l'existence de 11 autres dimensions, disons de 10 autres dimensions telles que nous les concevons aujourd'hui, même si, du point de vue de notre science, de notre théologie, nous ne pouvons pas encore les voir ou les percevoir. Alors, lorsque l'être humain aborde le planétosystème, c'est-à-dire le système planétaire d'évolution, nécessairement, il se grandit. Sa conscience, qui est bien souvent nombritique, devient locale. De locale, elle devient nationale. De nationale, elle devient internationale. Et finalement, elle peut devenir planétaire. L'être humain qui a une conscience planétaire n'est pas un être humain ordinaire. C'est un être humain qui a fait un choix, le choix de l'homme nouveau. Un être humain qui a décidé que la planète serait un endroit où il vivrait, et non pas un endroit qui serait limité par des frontières, par des drapeaux, par des langues, par des manières de vivre, par des manières de penser, par des manières de parler. Il est bien évident que lorsqu'un être humain est dans un contexte habité par plus de 5 milliards d'autres êtres humains, lorsqu'un être humain fait ce choix, il se met un peu à part du reste de l'humanité. Mais l'évolution est un phénomène contagieux, comme l'involution d'ailleurs. Lorsque nous prenons un verre d'eau chaude et que nous l'approchons d'un bloc de glace, le cube de glace essaie de se réchauffer au contact de l'eau chaude, ce qu'on appelle l'évolution. Par contre, du point de vue de l'eau chaude sera refroidie par le cube de glace, ce qu'on appelle l'involution. La résultante finale ne sera ni de l'eau chaude, ni de la glace, mais de l'eau froide. Alors, il n'y aura plus d'eau chaude. Alors, il n'y aura plus de glace. Il y aura une harmonie. Plus d'évolution, plus d'évolution. Au niveau de l'être humain, c'est exactement ce qui se passe. Lorsqu'un être humain fait un choix, il se voit immédiatement refroidi par le reste de l'humanité qui n'a pas fait son choix. Sauf que lorsque l'être humain développe une conscience individuelle, une conscience qui l'amène à être un homme ou une femme ou un enfant nouveau, une conscience qui lui permet d'être ce qu'il est, même si le reste de l'humanité ne le reconnaît pas, une conscience individuelle qui lui permet de comprendre ce qu'il comprend, même si le reste de l'humanité rejette sa compréhension. Une conscience individuelle qui fait de lui un être unique, un être qui sera capable de se tenir debout, même si le reste de l'humanité reste assis. Un être humain qui ne se sentira pas visé, un être humain qui, même s'il aurait la peau verte, marcherait aussi dignement sur la rue Sainte-Catherine que s'il serait tout à fait incognito. Et parce que la majorité des humains sont assujettis à une conscience collective, une conscience qui les manipule et qui aplanit les têtes au niveau de la masse, nécessairement, l'homme ne fait pas le choix de l'individu. Il fait toujours le choix de la collectivité. Ce n'est pas important de savoir combien d'humains se décideront à se lever. L'important est de savoir si vous allez vous lever. Si vous allez décider d'être un être humain et non plus un animal humain, assujetti à l'évolution de troupeaux. Voyez-vous, au niveau des problèmes sociaux, l'être humain pose des questions. L'une de ces questions majeures est « Pourquoi vivons-nous? » Nécessairement, il pose la question collectivement, et non pas « Pourquoi je vis? » Mais « Pourquoi vivons-nous? » Parce qu'il a l'impression que, individuellement, ça n'a pas d'importance, sa vie. « Pourquoi je vis? » Tu vis pour évoluer. Ouais, mais si les restes de l'humanité n'évoluent pas, la question redevient donc à pourquoi vivons-nous? Lorsque l'être humain devient suffisamment individuel dans son intelligence, individuel dans sa conscience, alors il ne pose plus les questions au pluriel. Alors il ne dit plus pourquoi vivons-nous. Il peut dire pourquoi je vis. Il peut dire pourquoi l'humanité vit. Il peut dire pourquoi il y a la planète. Vous savez que depuis le début de la conscience de l'homme, lorsque l'homme a commencé socialement à se poser la question « Pourquoi je vis? » Les réponses qu'il s'est données ont toujours été des réponses qui privilégiaient, qui centralisaient l'homme. Alors nécessairement, le soleil devait tourner autour de la terre. Alors nécessairement, les animaux et les plantes étaient des outils, des moyens de transport, de la nourriture. Et seul l'homme comptait. Mais à travers ce « seul l'homme comptait », il y avait les peuples de Dieu, les peuples élus, parce que finalement, seul l'homme collectif comptait, pas l'homme individuel. Les temps ont changé. Après 4 milliards 600 millions d'années d'évolution, on en arrive à une ère où l'individu naît dans la collectivité. Et la première place que l'individu prend dans la collectivité est la place du corps physique. Alors, il naît dans un corps physique. Et l'être humain doit apprendre à cesser de s'identifier à son corps. C'est le véhicule qu'il a. Et c'est le véhicule qu'il a, quelle que soit la quantité de boutons qu'il aura en plein visage, cela ne vient pas ternir ce qu'il est lui, en tant qu'habitant du véhicule. La conscience de l'animal humain, la conscience de ce que l'animal humain appelle l'homme, la femme, la conscience de ce qu'il appelle l'être humain, mais qui est une conscience de troupeau, elle est identique dans son évolution à la conscience d'un piston dans un moteur d'automobile. Imaginons le piston qui monte et qui descend. Alors, à un moment donné, notre piston finit par vivre la phase d'égoïsation que le corps animal de l'homme a vécue en Lémurie, il y a de cela quelques millions d'années. Et à un moment donné, le piston prend conscience qu'il est là. Alors, il peut dire « Je suis, je vis ». Mais le piston, prenant conscience qu'il est là, la seule chose qu'il peut expérimenter comme l'âme de l'homme, c'est ce qu'il vit. Et le piston voit le cylindre du moteur monter, descendre, monter, descendre. Alors le piston en déduit que lui est immobile et que la paroi sur laquelle il s'accote monte et descend. Il expérimente le feu de l'explosion des bougies, de la bougie, et il ne peut connaître que la partie... Il crée l'ignition, il crée le feu, de la bougie. Il n'en connaît pas le reste. Il ne connaît pas les fils à l'extérieur. Il ne connaît pas le vide-broquet en dessous de lui. Il ne connaît pas les paliers. Il ne connaît rien de ça. Ce piston est exactement comme l'homme. Et lorsque l'homme, socialement, pose la question « Pourquoi vivons-nous? » À quoi ça sert la vie? À quoi ça sert les 10 millions d'années qui viennent après nous? Au-devant de nous. Eh bien, l'homme a toujours répondu en fonction de lui, comme le piston. Alors, notre piston connaît l'univers. Il regarde le cylindre qui monte et qui descend, et il ne se rend pas compte que finalement, c'est lui qui monte et qui descend. Lorsqu'un jour, la Terre commence à tourner autour du soleil dans la conscience de l'homme et que le soleil cesse de tourner autour, notre piston découvre que c'est lui qui bouge, que ce n'est pas le cylindre. Mais notre piston ne comprend pas l'idée. Il monte vers le haut et lorsqu'il approche d'un point culminant, une espèce de Big Bang vient lui éclater en pleine face, l'étincelle de la bougie, et projette notre piston vers une évolution bizarre où il s'éloigne de la bougie, il se refroidit quelque peu et il arrive vers une fin de course où finalement il est obligé de remonter en haut. Lorsqu'il remonte, il repousse du gaz carbonique, chaud, bizarre, un mélange d'huile, d'essence, d'oxygène brûlé. Pollution. Et il remonte lentement, repoussant cela, et finalement, on le redescend. Il redescend vers en bas. Il ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas eu de Big Bang, ce coup-là. Mais il tire avec lui de l'oxygène et de l'essence. Et il ne sait pas pourquoi, à un moment donné, il remonte encore. Et il se compresse, il compresse, il compresse, et on recommence. Bang! Et on recommence le cycle. Alors, on appelle ça un moteur à quatre temps. Comme l'évolution, à partir, ou du moins, se stéréotyper par le phénomène hindou, évolue en quatre temps. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain, l'âge de fer. Et nous serions présentement à l'âge de fer de l'âge de fer. Le Kali du Kali Yuga, l'âge du mal, le point culminant de l'involution. Mais notre piston, comme l'être humain qui pose la question, se demande à quoi sert la terre, à quoi sert les betteraves, à quoi sert les marmottes, à quoi sert les plantes nuisibles, à quoi sert les animaux nuisibles. Tout ce qui ne sert pas à l'homme, c'est nuisible. À quoi ça sert? Du point de vue de la marmotte ou de la baleine qui est en voie d'extinction, à quoi sert l'homme? À part à tuer et à exterminer des choses, à détruire. Lorsque nous posons la question socialement, pourquoi vivons-nous? Nécessairement, nous devons faire autre chose que le piston. À un moment donné, notre piston évolue dans sa conscience et il finit par ne pas comprendre pourquoi il remonte. Il comprend pourquoi il descend, il y a une explosion. Et là, il remonte. Alors, il s'imagine que dans des pistons, dans des cylindres parallèles, des mondes parallèles, d'autres pistons existent peut-être. Et lorsque lui descend, peut-être qu'un piston monte. Et lorsque lui remonte, peut-être qu'il y a eu une explosion dans un monde parallèle, dans un cylindre parallèle, et pendant qu'un piston descend, ça le fait monter lui. Par une liaison entre les cylindres parallèles et les mondes parallèles qu'il ne connaît pas, mais qu'intuitivement, il élabore. Alors, il se dit, je suis peut-être pas seul. Et si notre piston est relativement froid, du point de vue de l'évolution, il va dire, l'extérieur, ça veut m'aider. Et il en fera des dieux, alors que c'est des semblables. Alors, notre piston essaie de comprendre le but de la vie. Pourquoi suis-je là? Pour atteindre le point culminant et recevoir le feu sans partir. Non, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est une partie d'un moteur, c'est tout. Le piston ne pourra jamais comprendre le moteur. Il ne pourra jamais envisager l'automobile. Il ne pourra même pas envisager les passagers de l'automobile, les déplacements, les destinations, les chemins. Jamais le piston pourra envisager tout ce phénomène créationnel. Jamais. Sa conscience ne peut pas. Il ne peut envisager le monde qu'à partir de ce qu'il connaît. Il connaît le feu qui éclaire en pleine face, la souffrance. Il connaît le refroidissement et le réchauffement. Il connaît le va-et-le-vient. Il connaît la friction. Il connaît l'odeur de l'huile. Et c'est tout. Et à partir de ce qu'il connaît, il veut comprendre son but dans la vie. Pourquoi suis-je là? Quand l'être humain essaie de comprendre, pourquoi suis-je là? D'une façon nombritique, pistonnette. L'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il y a les plantes, les minéraux qui fabriquent les plantes. Il y a les plantes qui nourrissent les herbivores. Les herbivores qui nourrissent les carnivores. Les carnivores qui bouffent les herbivores qui bouffent les herbes qui bouffent les minéraux. Ça nous arrange. Il n'y a apparemment pas de raison planétaire de notre présence dans l'univers. Comme pour le piston, il n'y a pas de raison cylindrique de sa présence dans le cylindre. Pour que l'être humain arrive à avoir une conscience au-delà du cylindre, une conscience extraterrestre, une conscience qui lui amène la possibilité de comprendre ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il vit, à quoi ça sert l'existence? Bonne question. Mais à quoi ça sert d'exister? C'est une autre question. Qui ne peut pas socialement, ou théologiquement, ou scientifiquement, être répondu par un être humain qui a une conscience de piston, une conscience nombritique, locale. Regardons ceci. L'être humain, selon les théologies, a été créé par un Dieu. Et on n'a jamais donné de raison à la création du Dieu. Il aimait tellement l'être humain qu'il n'avait pas encore créé, qu'il le créa. Bon. Donc, à un moment donné, dans une folie furieuse d'amour, il a créé des problèmes. Mais là, on va dire, et la théologie le dit, tout le reste sert, là. Même Dieu l'a dit dans la Bible, c'est écrit. Tu prendras les plantes et les animaux et tu t'en nourriras. Donc, tu nourriras des végétaux de la terre et les animaux pourront te servir de compagnons. Et finalement, on bouffe les animaux, on s'en sert comme moyen de transport, comme moyen de force, comme énergie. Mais il y a un problème. À quoi sert tout le reste de la matière de cet univers qui est inaccessible à l'homme? Si dans notre condition de vie, j'ai le cheval pour m'aider, j'ai le soleil pour m'éclairer, à quoi vient me servir Sirius, Bételgeuse, Alpha du Centaure et les autres? Toute la matière qui existe, qui ne m'est pas accessible, elle sert à quoi? Alors nécessairement, on doit envisager un pourquoi plus grand que notre planète. Un pourquoi sommes-nous là qui englobe la planète ainsi que tout ce qui y vit et tout ce qui y est. Et maintenant, nous devons poser la question à l'extérieur. Pourquoi suis-je là? Pourquoi vivons-nous? Alors que nous savons que la vitesse de la lumière est 300 000 km à la seconde, qu'une année-lumière est la distance parcourue par la lumière pendant une année à 300 000 km à la seconde, cela donne presque 10 000 milliards de kilomètres parcourus en une année, et que Alpha du Centaure se trouve à 4,3 années-lumière, qui donne des trillions de kilomètres, des trillions, et que c'est l'étoile la plus proche de nous, que notre univers aurait plus ou moins quelques 10 billions de milliards de kilomètres. On parle de l'univers local dans lequel nous sommes. Cet univers local qui est constitué de billions de milliards de kilomètres, il est englobé dans un super univers qui lui flotte dans la création. Alors, lorsque nous disons « Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce que nous avons à faire? » On doit nécessairement expandre notre question au cosmos. Pourquoi y a-t-il la création? On n'aura jamais de réponse de notre présence si on ne pose pas la question à l'automobile. Le piston qui dit « Pourquoi suis-je là? » ne verra jamais de réponse. Si le piston essaie par contre d'entreprendre et d'entrevoir d'autres phénomènes conceptuels ou perceptibles, il aura une question plus ajustée. Et sa question plus ajustée permettra la compréhension de réponses plus ajustées. Même si le piston est un élément essentiel de l'automobile, il ne peut pas savoir pourquoi il est là s'il ne comprend pas l'automobile. Parce que la fonction finale du piston, du point de vue du piston, c'est de monter et de descendre. Du point de vue du moteur, de faire tourner le vilebrequin, qui va faire tourner le volant du moteur et qui, par un système de transmission, peut faire tourner des roues. Du point de vue de l'automobile, faire avancer l'automobile. Du point de vue du passager, permettre un déplacement plus rapide et plus confortable du passager. Et du point de vue du piston, monter et descendre. Alors, si l'être humain veut avoir une réponse à sa question, pourquoi suis-je là? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi vivons-nous? Du point de vue de lui-même, eh bien, vous vivez pour mourir. Mourir, naître, mourir, naître, mourir. N'être que des personnes qui meurent. Mais si on veut comprendre la phénoménologie de la présence humaine dans le cosmos, on doit nécessairement tenter de décrire un automobile, et non pas juste le cylindre ou notre visuel plate. Les petites conditions de vie. C'est quoi la grosse question du piston? Savoir s'il ne manquera pas d'huile. Pas trop vieillir vite. Savoir si ces joints vont être convenable pendant suffisamment de temps, savoir si ses têtes vont rester propres et présentables devant le feu, savoir s'il est collectivement en harmonie avec d'autres pistons, savoir si... ça. C'est la vie plate, le piston. L'homme a aussi une vie relativement intéressante et intéressamment plate. La majorité des êtres humains, c'est qu'est-ce que je vais porter à soir? Comment je vais être perçu? Qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce que j'ai bien fait? Oh, j'aurais pas dû faire ça. On aurait dû amener telle chose. On n'aurait pas dû y aller. J'espère que. Je veux pas ceci. J'appréhende cela. Pourquoi ça m'arrive? Alors que l'être humain essaie de comprendre sa vie en excluant le moteur et l'automobile. Lorsque le piston redescend, il se plaint qu'il n'y a pas de justice. Ça fait 40 000 fois qu'il remonte en haut. Mais la question, elle est posée en fonction du piston, pas en fonction du moteur ni de l'automobile. Alors, nécessairement, du point de vue de la question du piston, non, il n'y a pas de justice. Cela veut dire que l'être humain qui pose des questions sociales doit nécessairement s'enligner pour comprendre qu'il est dans un écosystème. Et finalement, dans un planétosystème. Et on ne peut pas penser évoluer en excluant la planète. On ne peut d'ailleurs même pas penser évoluer convenablement en excluant le reste de l'univers. Mais commençons au minimum par étendre notre conscience au schéma planétaire. Pas exclusivement limité au schéma nombritique de l'homme, au schéma de son quartier. Regardons comment c'est la politique. Un député, quelque part, il dit, bien, je vais faire nettoyer les rues de mon comté. Et là, on vote pour lui. L'autre député ailleurs, lui, s'en fout carrément les rues de son comté. Lui dit, m'a éclairé les rues de mon comté. Et on a des sociétés qui sont extrêmement inhomogènes, hétérogènes. Des sociétés où on a des rues propres mal éclairées, des rues éclairées extrêmement sales. Parce que tout est fait en fonction d'une petite partie d'un système d'évolution. Jamais de l'ensemble du système d'évolution. Alors, il y a des problèmes sociaux parce que l'être humain a toujours été un être humain manipulé par un contexte planétaire qui s'appelle le monde de la mort, qui s'appelle l'astral planétaire et qui s'appelle le ciel. L'être humain qui vit de plus en plus de cette conscience nouvelle découvre qu'il est manipulé, donc qu'il n'a pas de libre-arbitre, n'a absolument pas de libre-arbitre. Et celui qui découvre qu'il n'a absolument pas de libre-arbitre peut au moins comprendre qu'en tant que piston, il faudra qu'il pistonne. Le rôle de l'homme est nécessairement un rôle à être accompli. Si le piston décide de devenir une bougie, il y aura un piston qui va mal marcher dans l'automobile, dans le moteur. Un piston qui essaie d'exploser lui aussi. Et de temps en temps, dans un moteur, ça peut créer des retours de flamme, ça fait du cassage de noix, ça brise les moteurs. Vous savez, quand on éteint le moteur, puis que le câble, il continue à tourner, c'est éteint. Mais le moteur, lui, il ne sait pas que c'est éteint. Les pistons continuent à faire de l'explosion, comme un diesel, pas de bougie. Et ça marche très croche. Ça use, ça vieillit. L'être humain doit obligatoirement comprendre que son évolution est déterminée par l'évolution de l'humanité, donc par l'évolution de la masse. Si l'être humain laisse l'humanité faire un choix d'humanité sans lui, ce sera comme un piston qui décide de se reposer alors que tous les autres décident de faire une course. Ben, il va y aller, le piston. Il ne comprendra pas. Il va chercher la justice. Il va peut-être lire plein de livres pendant qu'il va se promener à une vitesse folle. 6000 tours à minute. Puis quand il va y prendre goût, la course va être finie. Il va toujours être en retard sur ce qui se passe. Comme lui-même, il est souvent en retard sur ce qui se passe. Ce qu'il veut, quand il l'a, il ne veut plus. Alors, regardons les problèmes sociaux. De quelle façon l'humanité, de quelle façon la société, de quelle façon l'individu doit s'arranger pour pouvoir muter une société. Étant donné que l'être humain évolue, que l'être humain se conscientise individuellement, l'être humain est toujours confronté à un problème majeur. Depuis 3 ans, je dis que la deuxième cause de mortalité infantile au Québec est le suicide chez les jeunes. Ces derniers mois, on en parle dans les journaux et à la télévision, ces derniers mois seulement, on commence à s'inquiéter socialement de la mortalité infantile par le suicide. Et dernièrement, il y a un psychologue qui était interviewé à la télévision et la réponse qu'il donnait était « ben on le sait pas, il n'y a pas de cause particulière, c'est sans doute comme ça, passager, il y a peut-être beaucoup de changements dans la société du Québec, il y a peut-être… » Non, il y a des enfants nouveaux. Facilement prévisible scientifiquement, toujours prévu théologiquement. Mais le problème, c'est que parce que ça a été théologiquement prévu depuis longtemps et que de temps en temps, certaines personnes ont cru que le temps était venu alors que le temps n'était pas venu et que ces personnes ont dit que c'était le temps, ça a fini par créer une espèce de froid. Et aujourd'hui, on ne croit plus à ces vieilles farces. Un jour, 15 personnes vont monter sur une montagne en disant « c'est la fin du monde ». Tout le monde va dire « tiens, encore des zigotos ». Mais du coup, là, ça va être la fin du monde. À un moment donné, à force de tromper, tu finis par tomber dessus. Ce qui est prévu depuis longtemps finira par arriver. Le problème, c'est que l'homme ne peut pas savoir quelle année, parce que le terme « année », la chronométrie historique de l'homme, est une farce. Elle s'étire, elle bouge, elle est changeante. Lorsque l'être humain parle, lorsque l'être humain vit à l'intérieur une société neuve, une société nouvelle, il y a un problème majeur qui s'oppose à l'expression d'une société nouvelle. C'est que ça fait tellement longtemps que l'être humain est convaincu qu'il s'est essayé et que ça n'a pas marché, que finalement, manipulé hautement par son passé, il finit par s'écraser et dire « bof, on a déjà essayé, ça vaut pas la peine ». Je connais énormément de pères de famille, de mères de famille qui disent à leurs enfants « Oh, moi aussi, quand j'étais jeune, je pensais comme toi, tu sais, mais j'ai appris à longue. » On est mieux de leur dire à nos jeunes, tout d'un coup, qu'ils réussiraient et que ce serait frustrant. Autant s'arranger pour avoir au moins eu raison de changer, leur prouver et les arranger pour qu'ils nous prouvent que ça se peut pas. Une société nouvelle, ça commence comment? Société nouvelle, ça commence par des individus nouveaux. Il n'y a rien qui ne change pas si l'individu ne change pas. Et l'individu est la force motrice d'un changement. L'individu ne veut pas dire la gang d'individus. Ça veut dire l'unique individu. Il y a de plus en plus d'enfants individuels qui, s'ils ne peuvent pas vivre, se suicident et qui, s'ils peuvent vivre, vont finir par être drôlement dangereux, dérangeants pour tout le cadre structuré actuel. La société évolue à un rythme extrêmement lent. Il y a des choses qui sont normales, sont prévisibles par l'intelligence parce que l'être humain ne sait pas ce qu'il fait. Donc, il le fait bien parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Chaque fois que l'être humain pense savoir ce qu'il fait, il fait un choix et bien souvent, c'est là qu'il passe à côté du chemin. Mais une évolution neuve doit se développer chez l'être humain. Une évolution qui va lui permettre de devenir prescient, de comprendre les avenirs possibles, les futurs possibles, et lui permettre de choisir le bon. Mais il y a une chose que l'humanité doit comprendre et que l'être humain, l'individu doit comprendre. C'est qu'il doit lui-même bâtir le cadre dans lequel il veut vivre. Bâtir le cadre dans lequel il veut vivre, ça veut nécessairement dire instruire le monde astral, instruire le monde de la mort, instruire les collectivités. Ça veut nécessairement dire faire un travail. Eh oui. Et l'être humain qui veut évoluer que pour lui-même a une évolution très problématique parce qu'il oublie un facteur majeur de l'évolution. Il n'aura pas le temps de terminer. Et vu qu'il n'aura pas le temps de terminer, il va sans doute devoir se réincarner. Et il va se réincarner dans quel genre de société, dans quel genre de famille, dans quel genre de corps. Ça, il ne l'a pas prévu. Ça, il n'y a pas pensé. Parce que présentement, il s'en fout. Même tous les individus occidentaux qui croient à la réincarnation n'y croient pas. Parce qu'ils ne la comprennent pas. Tous les êtres humains qui croient à la réincarnation dans le contexte nord-planétaire de cette planète ne calculent pas que la réincarnation est une mécanicité évolutive. Ils l'ont appris, mais ils ne s'en servent pas. Ne s'en servant pas, ils engendrent chez eux l'impatience de l'évolution. Alors que dans le contexte oriental, il y a trop de patience dans l'évolution, on s'en fout, on remet à 2-3 vies plus loin, on va triper dans celle-ci. Dans le contexte nord-planétaire, il y a trop d'impatience de l'évolution. On est pressé. Étant pressé, on fait exactement comme l'individu qui veut faire un coup d'argent en vendant des bibelots. Il en fabrique une quinzaine. Puis que le gain l'attire, il s'essaye. Il engage plein de monde, il achète plein d'outils, mais il n'a pas prévu son coût et il fait faillite. Parce qu'il voulait avoir de l'immédiat terme dans son évolution, il se casse la gueule. La majorité deviennent malades, perdent leur emploi. Tiens, je vais évoluer au bout, je vais tout lâcher. Je vais faire tous les séminaires que je rencontre, je vais tout lire ce que je peux lire. On va évoluer au bout. J'ai 2 000 $ en banque avec 2 000 $ d'évolution. Moi, sans doute avoir tellement compris, je vais être capable d'être millionnaire après. Alors, la personne, elle commence. On va être donc évolue. Après 2 000 $, le corps physique décide qu'il prend des vacances. Plus d'évolution. Là, l'individu est capote. Là, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'emploi. Bien souvent, ceux qui le respectaient ne le respectent plus. En ont fait un clou non réduit, ils l'ont lâché. Et là, il ne comprend pas. L'évolution, elle est mutatoire. Elle prend un temps. Lorsque l'être humain n'envisage pas le processus de la réincarnation comme étant un phénomène existentiel obligatoire de son cheminement, il fait une grave erreur de son évolution. Certains vont dire, vivons le mieux possible, et puis la réincarnation, j'y crois pas, mais la résurrection, tant mieux, c'est plus facile de croire à la résurrection. Tu as juste à dire, mon Dieu, pardonne-moi à la fin, puis finalement, ben, tu t'en sors correct. Mais il y a de gros problèmes dans la mécanicité de la résurrection telle qu'enseignée par les églises conventionnelles. Effectivement, un jour, l'être humain aura un corps de lumière. Effectivement, un jour, l'être humain ne mourra plus lorsqu'il aura échappé au cycle de la réincarnation. Effectivement, donc, un jour, l'être humain sera d'une certaine façon ressuscité. Il pourra amener son corps avec lui et il le suscitera de nouveau. Il le ressuscitera. Mais il y a un problème, c'est que pour parvenir à cela, il y a la réincarnation. Si nous nous référons à il y a de cela 2000 ans, les milliards de milliards d'êtres humains qui ont vécu sur la planète Terre, si nous excluons la réincarnation, bien, lorsqu'il y aura une résurrection, il faudra construire des grandes bâtisses hautes pour pouvoir loger tout le monde. Parce qu'il y en aura du monde sur la planète. Étant donné le processus de la réincarnation fusionnelle pluralitaire, nécessairement, il n'y aura jamais trop de monde. Et en plus, l'humanité, et j'ai dit qu'après les 5 milliards, l'humanité va commencer à vivre une dépopulation. J'ai dit aussi qu'à un moment donné, le Québec partirait dans une explosion de naissance pour permettre la cellularisation des parents d'être transmise génétiquement aux enfants. Ça s'en vient. La réincarnation, c'est prévoir le corps qui va nous servir lorsque nous allons revenir. La réincarnation, c'est de prévoir aussi notre système testamentaire. Je lègue tout à mon enfant qui devra léguer telle partie à son enfant, qui lui devra léguer telle partie à son enfant. Ce sera moi. Il y a des mécanicités qui échappent totalement à l'évolution de l'homme parce que l'être humain occidental est devenu trop pressé. Trop impatient. Il veut en sortir dans cette vie-ci. Pourquoi dans cette vie-ci? À travers plus de 20 milliards d'années, vous voulez sauver 300 ans ou 400 ans. Exactement comme à travers un tour de terre, le petit détour aux toilettes est trop long. Lorsque l'être humain sera fusionné avec son double éthérique, lorsque l'être humain aura un corps de lumière, il ne mourra plus. Sa conscience ne sera plus égoïsée ni mémorielle, donc il ne souffrira plus du passage du temps au travers de lui. Et les quelques milliards d'années qui lui restent à parcourir, il les parcourra, sans jamais calculer. Les Suisses vont faire faillite. On n'aura plus besoin de monde. Mais en attendant, à travers ces milliards d'années, l'être humain veut sauver 300 ou 400 ans de sa vie, en essayant de tout réussir dans celle-ci. Alors, lorsque la fin approche, la fin du corps physique, certains recommencent à prier en demandant à leur Dieu de les pardonner. Et ces êtres humains qui recommencent à prier vont nécessairement gagner le ciel à leur mort. Ils vont gagner le monde de la mort. Dans le ciel, ils seront digérés à travers tous ceux qui ont des consonances vibratoires mémorielles expérientielles similaires à eux. Et de ce fait, ils retrouveront tous ceux qu'ils ont connus ou aimés, même s'ils ne les ont pas connus, pour l'éternité. Ils se réincarneront par la suite fusionnés à travers plusieurs personnalités réincarnatives. Des centaines d'individus qui ne se connaissent pas, mais qui sont fusionnés ensemble, vont se réincarner dans un seul corps. Et dans ce seul corps, une nouvelle vie va naître. La continuité de ce que vous avez fait maintenant. Le problème, c'est que tant que les chemins dans le monde de la mort n'ont pas été préparés par une race particulière d'individus, les réincarnations se font d'une façon aléatoire, c'est-à-dire manipulées par le schéma émotif et non pas par le schéma intelligent de la vie d'un individu. Dans le monde de la mort, ce qui réunit les mémoires expérientielles des âmes dissoutes, c'est le système émotif et non pas le système d'intelligence. Lorsque l'être humain fait le choix de l'âme nouveau, lorsque l'être humain engendre une phénoménologie de l'évolution qui inclut à l'intérieur sa mort et sa prochaine réincarnation, nécessairement, l'être humain engendre dans le monde de la mort des mécanicités qui vont permettre à sa structure expérientielle de s'unir par l'intelligence et non pas par l'émotion aux structures similaires à lui. Cela engendre une évolution exponentielle extrêmement rapide qui peut permettre à un être humain qui a juste la capacité de comprendre ce que je dis de parvenir à une fusion d'ici les 400 prochaines années. Mais l'être humain est toujours pressé. Alors on va aller voir McDonald's. On va aller voir un maître, un gourou, un vishou, un individu, un livre, une technique, une atmosphère, un arbre, un endroit, un ashram, un avion, une couleur, un cristal, un extraterrestre qui peut au moins nous permettre de nous fusionner, de nous sauver dans cette vie-ci. J'ai dit, et c'est un point clé à comprendre pour évoluer, on ne peut pas vouloir apprendre à être patient rapidement. Plus on est pressé de devenir patient, plus ça prend du temps, plus c'est trop. Plus on s'en fout et plus on a du temps pour apprendre à être patient, plus c'est rapide, il se trouve. L'évolution est comme cela. Lorsque l'être humain établit un schéma d'évolution qui inclut les 400 ou 500 prochaines années, il risque fortement d'aboutir dans cette vie-ci. Lorsque l'être humain établit un cheminement qui doit aboutir dans cette vie-ci, il brûle tellement d'énergie en impatience qu'il risque de devoir attendre 400 ou 500 années. La réincarnation est un processus social qui devrait être prévu. De quelle façon socialement devrions-nous faire des testaments? Les enfants nous disent, voyons, on dépense donc tout avant de mourir. Ça vaut pas la peine de tout ramasser puis léguer ça. Sauf l'enfant, évidemment, qui est avare, qui lui a hâte que tu meurs puis il veut tout ramasser. Puis si tu n'as pas encore assez ramassé, bien, dis, tu devrais travailler un peu plus. On devrait toujours léguer à ses enfants, premièrement, l'information du plan des 500 prochaines années. On devrait instruire. Et il y a une chose que l'humain ne sait pas, c'est que les membres d'une même famille ne naissent pas tous sous le même toit. Lorsque l'être humain fait le choix de l'homme nouveau, lorsqu'il fait le choix de l'individualité et d'une société intelligente pour l'avenir, il s'associe karmiquement à tous ceux qui ont fait le même choix que lui. Lorsque un enfant comprend cette idéologie, quelle que soit sa génétique sanguine, de toute façon, l'enfant va muter et il va se détacher de la génétique de ses lignées familiales. Il va personnaliser son code génétique. Qu'il soit génétiquement de vous ou non. Par affinité, du point de vue du choix de l'homme nouveau, l'enfant devient un potentiel de réincarnation dans ses descendants. Celui qui n'a pas d'enfant, mais qui s'occupe d'un enfant comme si cet enfant était le sien, cet enfant est le sien. Et c'est par ses lignées, s'il n'a jamais eu d'enfant, qu'il se réincarnera dans l'avenir. Alors, on doit léguer à notre enfant, premièrement, l'information des 500 prochaines années. Et par la suite, on doit aussi l'instruire qu'il devra donner à ses enfants ces 4 ou 5 objets particuliers que nous aurons façonnés à notre image et à notre ressemblance. Lorsqu'il donnera cela à ses enfants, si ses enfants les reconnaissent, tout ce qui a été légué devra immédiatement être remis à ses enfants, parce que ses enfants, ce sera nous. Si les enfants ne reconnaissent rien de particulier, leurs enfants le reconnaîtront sans doute. Alors, on doit commencer à comprendre l'intelligence de l'application d'un processus de réincarnation dans un cheminement d'évolution. Je prends mon exemple à moi. Moi, je dis à mes enfants ce que je viens de vous dire. J'explique à mes enfants que lorsqu'ils auront des enfants, ils doivent léguer, disons, ma montre à ces enfants-là, en leur disant que c'est un souvenir familial. C'est à quoi ça servait dans l'Antiquité, mais on n'en connaissait pas l'intelligence. Mais regardons. Ceci est une marque. Lorsqu'un enfant de la famille la reconnaîtra, tu sauras que c'est moi qui est revenu. Alors, je lègue ma montre à mes enfants. Mes enfants ont des enfants. Ils lèguent la montre à leurs enfants. Et la montre servira de lumière. La montre, je donne l'exemple de la montre, on fabrique quelque chose de plus personnel. Elle servira d'attraction planétaire pour que dans le monde de la mort, si j'y vais, moi je n'irai pas, mais disons que, si j'y vais, je puisse, que mes mémoires puissent reconnaître une attraction particulière au niveau d'une possession matérielle dans une lignée familiale très particulière. Et je me réincarnerai sans doute unitairement, même si je n'ai pas encore subi ma fusion. Je pourrai naître dans un corps physique qui pourra m'attendre. Et lorsque j'aurai l'âge de reconnaître les choses, je pourrai dire, « Ah, mais je sais comment elles marchent. Ah, mais je sais ce que ça veut dire. » Et les enfants des enfants qui m'auront mis au monde devront comprendre que maintenant, tout ce qui a été légué de Daniel appartient maintenant à cet enfant. Et cet enfant, on l'a baptisé Marc, maintenant on l'appelle Daniel, parce qu'on le reconnaît. De cette façon, l'être humain qui accomplit l'intelligence du processus du contrôle des réincarnations se désassujettit du culte des ancêtres, se désassujettit des cultes des dieux dans le monde de la mort, confine beaucoup plus son évolution à travers la génétique qu'il aura coordonnée et choisie. Il gardera l'éducation et le système social familial dans lequel il veut vivre. Et nécessairement, cela l'intelligence de s'unir avant sa mort en société, comme OFSA ou comme d'autres formes, nécessairement, il sera sûr de naître dans un cadre, dans un écosystème conçu par lui pour. Lorsque nous évoluons dans cette vie-ci et que nous pensons pouvoir tout réussir dans cette vie-ci, nous cheminons à travers des centaines d'années dans l'avenir. Lorsque nous disons, établissons donc un monde intelligent, un monde nouveau, une société nouvelle. Même si c'est une société dans une société, c'est pas grave. On aura des signes de reconnaissance. On aura un langage d'évolution. Il existe un langage d'affaires, mais on aura un langage d'évolution. On aura aussi une éducation qui permet aux enfants de devenir intelligents et de choisir. Une éducation qui permet et qui respecte le mot « non » de la bouche des enfants. Et on aura compris aussi l'intelligence de bien contrôler sa génétique de façon à ce que dans 200 ou 300 ans, dans notre société nouvelle, les maladies congénitales aient totalement disparu. Mais nécessairement, cela demande quoi? Les personnes qui disent, oui, mais moi, j'ai déjà eu des enfants, puis j'en veux plus, je suis pas mal pogné. Puis mes enfants, bien, il y en a un qui se drogue, il y en a un qui comprend rien, puis il y en a un autre qui est disparu, puis bon. Ce n'est pas grave. L'humain doit s'allier entre lui, l'humain qui a fait le choix de l'homme nouveau, l'individu, doit s'allier pour créer un néotype, un égrégore nouveau, qui le recevra lorsqu'il aura l'obligation de quitter son corps physique. Et cela lui permettra de revenir. On a, pour bien se faire, besoin d'un travail plus ou moins intensif, échelonné sur les 5 prochaines années, pour parvenir à créer dans le monde de la mort une société nouvelle. Il y a nécessairement la Fraternité of Sorts qui existe et qui commence à faire le travail avec 100 d'individus. Ce n'est pas énorme, il faudrait quelques milliers d'individus. Mais c'est déjà un début. Mais une chose certaine, c'est que celui ou celle qui veut évoluer et qui veut le faire à partir d'elle-même seule, qui veut le faire à partir d'un individualisme d'évolution, pas d'une individualité de conscience, d'un individualisme d'action, elle laisse aux autres le soin de choisir pour elle ce qui va l'attendre lorsqu'elle va revenir. Alors je dis une chose, la personne qui est ce que j'appelle bien souvent un martyr de la transition et qui décide qu'elle doit achever son évolution dans cette vie-ci, cette personne, ce que je peux lui dire, c'est qu'elle est mieux de réussir. Parce qu'elle va payer pour. Tous les êtres humains qui vivent une conscientisation et qui veulent à tout prix terminer leur fusion dans cette vie-ci sont mauditement mieux de réussir. Parce qu'étant donné qu'ils ne préparent rien dans l'avenir, c'est ceux qui ne se conscientisent pas qui vont leur préparer l'avenir. Et lorsqu'ils vont revenir, peut-être qu'à 8 ans, 9 ans, 12 ans, ils vont aussi se suicider pour revenir. Ou bien celui et celle qui décide de vivre une évolution à partir de l'intelligence, 60 ans, 80 ans, 100 ans, c'est pas assez. La majorité, vous avez déjà quelques milliers d'années de cumulés. Mais c'est l'évolution du corps physique qui détermine votre faculté d'évoluer. Et non pas la condition exclusivement musculaire, mais la condition neuronique et endocrinienne. Changer son cerveau, l'endurcir, le renforcer, le vivifier, le reprogrammer et désassujettir son système endocrinien de l'âme. Ça, c'est l'évolution. Et c'est un facteur qui est déjà permissible pour la majorité des Québécois. C'est permis biologiquement, c'est faisable. Mais l'être humain qui est toujours dans un contexte de terminé avant, celui qui est âgé, il dit « il est trop tard », au lieu de dire hey, « merde, commençons tout de suite ». Dynamisons au moins les jeunesses pour qu'ils nous bâtissent un monde dans lequel ça va me tenter de revenir fouiner. Ceux qui sont jeunes et se disent, ben j'ai le temps, c'est comme quand on doit faire un devoir pour l'école. On le remet dans un mois. On travaille intensément 2 jours avant. On a perdu le reste du temps à flâner, à niaiser, à se distraire, à s'occuper. La personne qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans, elle a juste plus de temps. Elle n'a pas plus, elle en a un peu plus de temps. Pas pour s'essayer de réussir dans cette vie. Si sa génétique ne le lui permet pas, elle ne réussira pas. Il n'est pas question de volonté, il est question de génétique. De votre système neuronique, de votre système endocrinien. On peut le muter, on peut l'améliorer, on peut le changer, on peut le transformer, on peut cellulariser l'évolution à travers le corps de l'homme, de la femme, de l'enfant, Mais ça demande de la vie. Ça demande déjà la création d'un cadre social qui va nous permettre de l'exprimer. Pas d'être frustré de ne pas l'exprimer. Et ça demande nécessairement, immédiatement, l'établissement d'un plan à long terme qui s'échelonnera sur les 500 prochaines années. Lorsque l'homme, lorsque la femme parle d'évolution, il va dire, on est quand même plus évolué que l'homme des cavernes. Ouais, il vient de tout révéler. L'homme des cavernes s'est amélioré. Et ça l'a légué lui. Mais il n'est pas plus évolué que l'homme des cavernes. Il est l'évolution de l'homme des cavernes. Et qu'est-ce qu'il sera dans l'avenir si l'être humain continue à vouloir évoluer d'une façon extrêmement pressée, d'une façon qui exclut l'avenir? Il se casse la gueule. Continuellement, l'humanité accélère son besoin d'aboutir. L'humanité accélère son besoin d'évoluer. C'est un problème social. Un problème qui mine les sociétés. Un problème qui nuit à tout. Pourquoi? Dans l'Antiquité, on mourait, bon revenait. Alors on avait à cœur de bâtir une route qui ne serait même pas finie avant notre mort et qui peut-être serait finie 200 ans plus tard. C'est pas grave. Je roulerai bien dessus un jour. Mais plus l'évolution consciente de l'ego s'est améliorée, plus l'être humain a subi l'égoïsation, plus il a voulu aboutir, plus il a voulu se dire, je ne vais pas travailler, moi, puis après ça, je vais être assez vieux que c'est les autres qui vont en profiter. Vieillir votre corps physique par le travail, c'est faire avancer l'évolution du cadre écologique dans lequel vous êtes. Que l'enveloppe est trop usée, on devra l'abandonner. On devra apprendre socialement à permettre à celui qui habite un corps usé de l'abandonner. Il y a même dans un monde qui existe dans les 1500 prochaines années, un processus qui permet à une personne âgée de prévoir la date de sa mort. Et elle meurt quand un ovule est fécondé par un spermatozoïde dans le corps d'un autre, de deux autres personnes. Et on sait très bien que l'enfant qui va naître, c'est celle qui est morte. Il n'y a pas plus d'humain, il n'y a pas moins d'humain. Et là, l'être humain qui n'est pas encore, qui est encore au stade de l'animal, va dire, oui, mais qui sommes-nous pour contrôler? Une chance que dans les pays sous-développés, on contrôle. Parce que ça sentirait le tout de brûlant. L'être humain, donc vous, devez inclure dans votre cheminement évolutif la réincarnation. Dans le séminaire, j'explique souvent que la réincarnation, telle que l'être humain l'a conçue et la conçoit encore, est faux. La réincarnation, elle est fusionnelle, pluralitaire. Ce sont des multitudes de mémoires expérientielles qui proviennent du monde de la mort et qui se réincarnent attirées par un corps physique. Vous ne pourrez pas vous réincarner si un corps physique particulier ne vous attire pas. Alors, dans un corps particulier, il y a un système endocrinien qui va vous permettre de chialer. Les mémoires de vous qui êtes chialeux, vous y allez. Mais ce n'est pas vous. Dans un autre corps différent, on a un système neuronique qui va permettre l'expression par le langage. Les parties de vous qui avez vécu ça, vous y allez. Et vous êtes réincarné d'une façon fractionnée, mélangé avec d'autres individus à travers un paquet de corps. Sauf que si les lignées évolutives sont conservées, ça change tout. Mais on ne peut pas prendre une famille et conserver sa lignée sanguine. Parce que cela crée des tarissements du point de vue génétique et engendre des corps de plus en plus débiles. Il est évident que dans l'Antiquité, lorsque le sang royal était conservé, les rois morts se réincarnaient dans les enfants royaux qui suivaient, et on avait toujours des personnes capables de diriger. jusqu'à temps que le corps physique se tarisse. Alors, prenons l'exemple d'une société évolutive qui cumule quelques milliers d'individus. Le sang ne peut pas se tarir. Et prenons aussi l'exemple d'une société d'individus de quelques milliers de corps qui, lors de leur évolution vivante, comprennent l'intelligence de l'amélioration du physique, de la menphisation, de la resconisation, de la cellularisation de leur état d'évolution, de la mutation neuronique endocrinienne. Alors, par cellularisation, leur génétique ne se tarit jamais. Et là, on a affaire à une évolution corporelle qui amplifie la solidité des corps physiques de génération en génération. Et vous verrez que ce ne sera plus trop de problème d'avoir des enfants. Ce ne sera plus le même genre d'enfants que nous avons toujours eu. Et on aura une raison intelligente d'avoir des enfants et de les laisser être libres, plutôt que de vouloir les façonner à l'image de notre ego. Donc, du point de vue social, l'évolution, elle a un problème. Toutes les sociétés nord-planétaires, celles qui ont l'argent et l'influence, travaillent tous à court terme et à immédiat terme. Ils n'envisagent pas de vie sociale pour les centaines d'années qui viennent. Nous avons présentement suffisamment de ressources énergétiques pour les 400 prochaines années. Ah ben, ça va bien! Ces ressources énergétiques sont tous, ou presque tous, des ressources qui polluent. Nous en avons encore pour pouvoir polluer pendant les 400 prochaines années. Mais allons-nous être capables de respirer pendant les prochaines 400 années, de façon à pouvoir continuer à polluer notre planète? Présentement, la totalité planétaire utilise de l'énergie. Pour un équivalent, disons, en énergie de charbon, à près de 6 milliards de tonnes de charbon par année. Toute la planète Terre utilise en énergie l'équivalent de près de 6 milliards de tonnes de charbon brûlé. En électricité, en gaz, en système nucléaire, en pétrole. De toutes les sortes. Et juste ce que nous absorbons de notre soleil nous donne par année un peu plus de 10 milliards de tonnes d'équivalent charbon en énergie non polluante. 4 milliards de tonnes de plus que ce que toute l'humanité a besoin. Et cette ressource, c'est annuel. Elle n'est pas inépuisable. D'ici quelques millions d'années, notre soleil va s'éteindre. C'est mieux que 400 ans. Et présentement, toute notre technologie est basée sur la survie des compagnies pétrolières, sur la survie des compagnies de charbon, sur la survie de la structure nucléaire, sur de l'immédiat terme. Pourquoi voulons-nous faire vivre les compagnies de pétrole? Parce que les humains qui sont dedans vivent et ont envisagé une évolution planétaire qui se terminerait à leur mort. Alors ils se sont dit, « Oh yab, le reste, trouvons du pétrole, encore du pétrole, faisons de la recherche. » Le pétrole qu'on trouve n'est pas toujours serviable, on ne peut pas toujours l'exploiter. De même pour le reste, il y a des ressources. Et ça pollue, c'est écœurant. Mais étant donné que les êtres humains qui vivent à travers ces choses, ceux qui déjà manipulent l'énergie de notre planète, ont envisagé, et la société au complet a envisagé cela, une solution qui réglerait les problèmes de la vie jusqu'à la mort de ceux qui contrôlent. Jamais un gouvernement n'envisage au-delà de sa vie. Et jamais un directeur de compagnie n'envisage au-delà de sa vie. Jamais. Alors, on dit que ça va créer une déstabilisation totale au niveau de la finance planétaire. Mieux vaut déstabiliser la finance planétaire que de continuer à déstabiliser la vie planétaire. Un jour, les banques seront pleines d'argent. Au comptoir, des squelettes morts depuis 200 ans. Dans les rues, des automobiles éteintes. La clé d'émission à on, avec des parties de squelettes dedans. Mais les banques seront pleines d'argent. On n'aura pas déstabilisé l'économie planétaire, mais on n'aura plus d'eau et plus d'air. Parce que l'évolution du contexte nord-planétaire, et ça commence dans l'individu, tant que chaque individu, tant qu'un individu n'est pas capable de comprendre l'idée qu'il doit établir une évolution à travers des centaines d'années, et non pas à travers des dizaines d'années, on fait fausse route. On s'englue dans un apocalypse qui va purifier le monde. Ceux qui auront un plan plus tard, t'es tout irradié, t'es tout croche, c'est pas grave. Si déjà le chemin de l'avenir a été préparé, un jour tu reviendras dans un corps qui pourra te porter, dans un monde prévu en fonction de catastrophes antérieures. La réincarnation, ce n'est pas de la théorie. C'est un processus qui doit servir l'homme. À quoi ça vous sert d'apprendre si vous ne vous servez jamais de ce que vous apprenez? Pas d'un point de vue théorique, d'un point de vue pratique. Alors, on fait une pause. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi, on les écrit et on revient après la pause.